dans ma vie, y a un truc qui cloche. J'aime la nature, les oiseaux et les mioches, les voyages, la musique, les belles ruines. Malgré ça, je travaille en usine. Je ne suis qu'un aventurier saqué, moi je ne bourlingue qu'en rêve. Je suis un raté qualifié, je me tasse et j'en crève. Je ne suis qu'un aventurier saqué, moi je ne bourlingue qu'en rêve. Je suis un raté qualifié, je me tasse et j'en crève. Bien seul dans mon lit, je ferme les yeux et je rêve à ces pays où la beauté t'oblige à ne plus revenir, où les gens ont tout le temps le sourire. Je ne suis qu'un aventurier blafard, je n'ai pas la gueule d'un routard. Tous les jours la même route je fais, tous les jours je vais craquer. Je ne suis qu'un ouvrier condamné, je ne connais que les cheminées. Je ne suis qu'un second rôle de BD, je me tasse et j'en crève. Marrant, à l'heure où j'écris ça, y'a ma doudou qui m'appelle pour le thé. Je l'ai rencontré hier, on va se marier dans les îles, ça se passe toujours comme ça. Je ne suis qu'un aventurier gâté, je me prélasse sous les palmiers. Tant qu'un jour je repartirai si le vent pousse mon voilier. Je ne suis qu'un aventurier gâté, je me prélasse sous les palmiers. Et tant qu'un jour je repartirai si le vent pousse mon voilier.